Bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous cette petite exhortation qui me concerne, qui concerne aussi peut-être toi ou d'autres bien-aimés. Car il est triste ce qui se passe aujourd'hui dans pas mal de couples chrétiens. C'est une honte, c'est vraiment un échec. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. C'est-à-dire que nous sommes la lumière. C'est-à-dire que les païens doivent venir, n'est-ce pas, doivent nous demander, mais quel est votre secret? C'est triste de voir que des couples chrétiens vont jusqu'à la bagarre et c'est les païens d'à côté, des voisins d'à côté qui viennent vous séparer. C'est eux qui viennent tout, à chaque fois vous conseiller. Ils n'ont pas la parole, nous on a la parole. Et ils viennent à chaque fois nous conseiller. C'est un échec. Et on va leur prêcher quel évangile? C'est un échec. Alors que c'est nous le sel de la terre. C'est nous la lumière. Parce que des choix sont des choix charnels. Le païen fait son choix en fonction du physique et du rang social de la personne. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne devons consulter le Seigneur. Car dans Proverbes chapitre 18 verset 22, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce. Trouver l'homme de ta vie, c'est par grâce. Trouver la femme de ta vie, c'est par grâce. Mais si nous ne passons pas par le Seigneur, si nous n'allons pas vers notre Dieu, pour connaître si la personne qui est en face de nous est la bonne personne, on aura des problèmes. Parce que Jésus-Christ est la lumière du monde. Lorsqu'on invite Jésus dans vos relations de fiançailles, Jésus qui est la lumière va éclairer et tu verras les défauts de la personne. Tu verras les défauts de l'homme, tu verras les défauts de la femme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous vous rencontrez pour la première fois et les jours qui vont suivre, que ce soit la femme ou l'homme, tout le monde est dans l'opération de séduction. Chacun cherche à plaire à l'autre. Et chacun cherche à montrer le bon côté pour séduire l'autre. Parce que là, vous êtes dans la séance de séduction. Mais tout le monde sait qu'une fois que la bague de mariage passe au doigt, parfois il y a beaucoup de changements. Le masque tombe. Parce qu'au début, la personne faisait un effort pour ne pas te montrer son vilain côté. Pour ne pas te montrer ce côté-là, il faisait des efforts, n'est-ce pas, pour que tu ne trouves pas que, voilà, pour que tu ne te détaches pas de lui. Mais une fois qu'il met la bague de mariage, l'homme se dit, bon, maintenant elle est à moi, c'est ma propriété privée, je fais comme je veux. C'est triste. Le problème, c'est que dans l'église, c'est pareil. J'ai vu une sœur en Christ qui m'a dit, frère, il y a un frère, prie pour moi parce que il y a un frère qui est derrière moi, c'est un chrétien. Le problème, c'est que moi, j'ai bac plus 5. Dans notre famille, tout le monde a fait l'université. Mais lui, il n'a qu'un BTS. Je ne vois pas mes parents accepter ce gars. Dommage, parce qu'il n'a pas de niveau. C'est-à-dire que, voilà, dans l'église, vous avez des trucs comme ça. Des gens regardent des trucs charnels. Ils ne cherchent pas, ils ne consultent pas Dieu. Seigneur, la femme qui est en face de moi, Seigneur, l'homme qui est en face de moi, est-ce que c'est la bonne personne? On ne fait pas ça. On se lance nous-mêmes. Bien-aimés, je vais vous faire un témoignage rapidement. Je connais un frère que j'aime bien dans le Seigneur. C'est un Guadeloupéen. Il habite en ce moment à Orléans. Ce frère, on était ensemble dans une église là à Antony. Et ce frère, lorsqu'on était à l'église, comme lui et moi, on s'entendait très bien. Je l'ai vu à fond avec une sœur de l'église, une antillaise aussi. Mais tout le monde pouvait voir que la sœur était vraiment amoureuse du bien-aimé. Et on pouvait les voir aller au restaurant à la fin de l'église. Ils montent dans la voiture, ils vont au restaurant. Parfois, je les accompagnais. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à prendre un peu de recul pour les laisser parce qu'ils se faisaient connaissance. D'accord? Et la sœur était vraiment sûre que ça y est, gloire à Dieu, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Et puis, à un moment donné, le frère a changé. Le frère a changé, ce n'était plus trop ça. Et la sœur a remarqué que, mais, je l'appelle, la sœur est venue se confier à moi, elle me dit, mais, ton ami, là, je ne comprends rien. Quand je l'appelle maintenant, il dit, ok, je te rappelle après. Il ne rappelle jamais. Je l'appelle, il dit, mais on dirait que je cours derrière, il ne répond plus, il a changé. S'il te plaît, s'il a peut-être honte de me dire le problème, toi qui es son pote, va lui demander. Moi, je suis allé voir le bien-aimé. Il lui a dit, frère, on est des hommes, dis-moi tout, qu'est-ce qui se passe? Parce que voici ce que la sœur m'a dit. Il me dit, bien-aimé, tu me connais. Quand j'étais dans le monde, moi, c'est les femmes qui ont les formes. Les femmes minces, là, sans forme, ça ne m'a jamais attiré. Oui, la sœur a Jésus. Oui, elle prie, c'est vrai. Mais j'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, si je m'engage avec elle, je sais qui je suis. Je ne voudrais pas que demain, quand je verrai des jolies filles bien, avec des formes, que je sois attiré. C'est pourquoi je préfère ne pas m'engager avec elle. C'est ça le problème. C'est une chrétienne. Elle a la crainte de Dieu, oui. Mais, frère, elle n'est pas bâtie comme j'aime. Je crains que si je me lance avec elle et que demain, je verrai dans le monde des femmes bâties comme j'aime, je risque d'être tenté. Je dis c'est tout, me dit c'est tout. Un jour, cette sœur m'appelle, me dit, bien-aimé, mon fils a tripoté l'appareil. Quand j'allume l'appareil, l'appareil ne s'allume plus. Est-ce que tu peux venir jeter un coup d'œil? Comme j'ai fait un peu électronique, je sais réparer les appareils. Je prends la voiture un samedi, je suis allé. Pendant que j'ouvrais l'appareil pour voir la panne, elle faisait à manger et elle n'arrêtait pas de me dire, je ne comprends pas ton ami, il a changé. Moi, j'étais prêt déjà à parler de lui à ma famille. À la dernière minute, je ne comprends plus rien. Mais moi, je ne pouvais pas lui dire que ma sœur laisse tomber, c'est parce que tu es mince. Lui, c'est les formes qui l'attirent. Toi, tu n'as pas les formes. Je ne pouvais pas dire ça. Pour ne pas blesser la sœur. Mais le bien-aimé, lui, il est dans un choix purement charnel. Beaucoup sont comme ça dans l'église. Beaucoup sont comme ça. La sœur, là, elle travaille. Oui, elle est quoi? Elle est avocate, ou médecin, ou ingénieur. Ah bon? Oui. En tout cas, je vais voir si je peux l'épouser. Mais le bien-aimé, là, oui, oh, ses parents sont riches. Hein. Ah bon, hein? Oui, je vais l'épouser. Mais ce garçon-là, si c'est une sœur, le gars l'a fait quoi? C'est un bel homme. Oh, mais il est médecin. Il est marié. Non, je veux m'engager avec lui. C'est comme ça dans l'église. Personne ne consulte Dieu. On fait des choix, nos propres choix. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu fais ton choix. Tu as mis Dieu de côté et tu as fait ton choix. Après, Père, viens bénir. On l'appelle que pour venir bénir quand on va à l'église. Papa, j'ai fait mon choix, viens seulement bénir. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, bien-aimé. Je vais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Vous connaissez cette histoire. Jésus est au bord d'un puits et une Samaritaine vient pour puiser de l'eau. Vous connaissez déjà l'histoire. Jésus va dire à cette Samaritaine, va appeler ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, oui, ce que tu dis est vrai, madame. Tu as déjà eu 5 maris dans ta vie. Aucun n'est resté avec toi. Mais je t'informe que l'homme qui est en ce moment-là avec toi, n'est même pas ton mari. Même si tu le vois jouer l'amoureux, même si tu le vois attentionné, même s'il te fait des câlins, même s'il te couvre des cadeaux, mais moi je te dis que ce n'est pas ton mari. Tu es libre de m'écouter ou pas, mais moi je te dis, même si tu le vois là gentil, ce n'est pas ton mari. Il partira comme les autres. Cette Samaritaine pouvait se poser des questions, mais l'homme là, et pourtant mon mec là à la maison, je le vois gentil, je n'ai rien à lui reprocher. Jusqu'aujourd'hui, franchement, il est nickel. Il ne me trompe pas, il ne m'a jamais manqué de respect. Mais pourquoi il me dit que ce n'est pas mon mari? Parce que Jésus connaît l'avenir d'une relation. Et vous allez remarquer que lorsque Jésus lui dit, ce n'est pas ton mari, la femme ne dit pas, monsieur, tu as raison. Parce que la façon dont il se comporte là, tu as raison, monsieur. Parfois, il me tape. Oui, tu as raison. Je le vois là, il me répond violemment, hein, il a les femmes de gauche à droite, hein, c'est un coureur de jupons. Il ne dit pas, elle ne dit pas ça à Jésus. C'est-à-dire qu'elle, elle se pose des questions. Mais comment il peut me dire que ce n'est pas mon mari? Pourtant, dans ma relation avec lui, tout se passe bien. Parce que Jésus sait, il connaît les pensées des cœurs. Jésus connaît les cœurs, les pensées de cet homme. Peut-être cet homme est venu juste prendre son pied. Parce qu'il y a beaucoup comme ça, même dans l'église. Moi, j'ai vu des sœurs me dire, oh bien-aimé, on ne sait plus quoi faire. Les païens te déçoivent. Même dans l'église aussi, tel frère m'avait dit, c'est pourtant, je le vois dans l'église. Il a couché avec moi et depuis qu'il a couché avec moi, il m'a tourné le dos. Beaucoup de sœurs dans les églises ont été victimes des frères qui se comportent comme ça. Et une sœur m'a dit, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où trouver des hommes sérieux. Mais Jésus dit à la Samaritaine, l'homme, cet homme-là, même si tu le vois attentionné, il joue l'amoureux, mais moi je te dis que ce n'est pas ton mari, il partira comme les autres. Bien-aimé, je vous dis ceci, si Jésus a pu parler du problème de couple à une Samaritaine, dire à une Samaritaine, l'homme-là n'est pas ton homme, à plus forte raison, un enfant de Dieu. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, c'est moi la solution. C'est moi la lumière. Si tu veux que ton mec là, je l'éclaire pour que tu vois ses défauts, viens à moi, c'est moi la lumière. Si tu veux connaître la vérité sur cette femme, sur cet homme, viens à moi, c'est moi la vérité. C'est moi qui te dira si cet homme est sérieux. C'est moi qui te dira, si la femme là est sérieuse, viens à moi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On le met carrément de côté. On fait comme le frère qui est à Orléans. Voilà, il faut une femme qui a des formes. Quand le frère m'a dit ça, 6 mois après, puisque moi je n'habitais pas Paris, j'habitais en province à 150 km de Paris. Et un jour, alors que j'ouvre la boîte aux lettres, je revenais du boulot, je trouve un courrier. Quand je regarde à l'intérieur du courrier, c'était l'invitation au mariage. C'est le frère qui m'a envoyé l'invitation. Mon Dieu, le bien-aimé va se marier. Et puis il m'a dit, frère, j'ai trouvé la femme de ma vie. Oh frère, elle est bâtie comme j'aime. Oh là là là là, bien-aimé, tu verras, quand tu viendras au mariage, tu verras le bijou que Dieu m'a donné. Alors qu'il a fait son propre choix. Alors, le jour du mariage, c'était un samedi, je démarre d'Amiens, j'ai tapé l'autoroute. Le mariage était à 11h, à la mairie du 13e à Paris. Je suis mis à conduire. Quand j'arrive à quelques kilomètres de la porte de la chapelle, mon téléphone sonne. Frère, tu es à quel niveau? Parce que là, on vient de terminer à l'église. Là, maintenant, on va aller à l'église. On vient de terminer à la mairie. On va aller maintenant à l'église à Antony. Donc, ce n'est pas la peine de venir ici. C'est comme ça que je fais demi-tour. Je pique vers Antony. Quand j'arrive à Antony, à la mairie, j'ai trouvé des bien-aimés qui étaient là en train de décorer. J'étais là. Quelques temps après, on a entendu pim, pim, pim, les mariés arrivent. Donc, c'est là que je vais voir pour la première fois cette sœur. Quand le pasteur termine de prêcher, il a invité devant les mariés pour que l'église prie pour les mariés. C'est là que je vais voir du pied à la tête la bien-aimée en question, parce que je ne l'avais jamais vue. Effectivement, je voyais comment le bien-aimé et le frère me regardaient, on se croisait les yeux. Je riais, lui aussi riait, parce que je connais son profil. Et je pouvais voir dans ses yeux, il était en train de me dire, regarde, tu la vois, ça c'est la qualité que j'aime. Le mariage a été célébré, le soir, repas, tout était bon. Ça fait 2 ans de mariage. Ce bien-aimé m'a appelé il y a de cela 3 jours. Comme ils n'habitent plus la région parisienne, ils sont maintenant à Orléans. Frère, si tu apprends un jour que je suis en train de divorcer, ne sois pas étonné. Je dis quoi? Tu rigoles ou quoi? Il me dit si. Je t'informe que ça fait 1 mois et demi que je dors au salon. Madame ne veut pas que je la touche. Ici, c'est la guerre. Si j'essaie de lui parler, elle me balance un verset biblique. J'essaie de lui parler, elle me balance un verset biblique. Il dit, je n'ai pas une femme à la maison, j'ai un homme. C'est œil pour œil, dent pour dent. Elle ne veut pas m'écouter. Je dis ça, elle balance, la parole dit ça. Elle me balance les versets bibliques. Le frère me raconte qu'un jour, alors que les deux étaient à la cuisine en train de disputer, je ne sais pas quel était le problème de fond. Et au moment où le frère voulait quitter la cuisine, pour la laisser à la cuisine, parce que le frère me dit, je voulais juste couper les disputes, j'en avais marre. Donc moi je vais sortir de la cuisine pour partir dans la chambre. Il paraît que la femme s'est jetée autour de ses hanches. La femme l'a tenue comme ça, me dit, frère, elle avait failli me plaquer au sol. Elle dit, bien-aimé, je te dis, je n'ai pas affaire à une femme. Je n'ai pas une femme à la maison, j'ai un homme. Il dit, frère, la force, j'ai senti la force des bras de ma femme. Il m'a dit, ma femme a la force d'un homme. Il me dit, bien-aimé, il fallait vraiment me débattre pour se détacher. C'est comme si c'était un homme qui me tenait. Elle a failli me plaquer par terre. Il dit, c'est pourquoi depuis ce jour, je marche sur les œufs. Ici, là, à la maison, ce n'est pas l'amour. On dispute pour un petit truc. Madame va dormir 2 mois avec le survêt au lit. Les choses doivent se passer dans le couple que comme elle veut. Je n'ai rien à dire. Et quand je dis quelque chose, elle me balance un verset biblique. Il dit, ça fait 1 mois et demi, je dors au salon. Donc, si un jour, tu apprends que je suis en train de divorcer, frère, ne sois pas étonné. Je lui ai dit, bien-aimé, est-ce que tu as déjà parlé à sa mère? Non, je dis, va d'abord parler à sa mère. Et la maman a appris tout ce qu'on lui a dit, appelle sa fille. Tu es folle! Et quand il va aller dehors, pourquoi tu dors avec le survêt? Tu ne sais pas qu'en agissant ainsi, tu envoies ton homme dehors. Ce qui fait que le frère, il n'est pas erreur. Alors qu'une sœur était vraiment folle de lui. Mais il a rejeté la bien-aimée parce qu'elle est mince. Voilà, il est allé choisir les deux. Hein, la sœur en question est chrétienne, lui aussi est chrétien. Mais il y a des personnes qui sont dans l'église, qui sont rebelles. Ce ne sont pas toutes les personnes qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont enfants de Dieu. Le frère n'est pas heureux. Il me dit, frère, si c'était à refaire, franchement, je ne ferais plus ce genre de choix. Je ne regarderais plus le physique. Vous vous rendez compte? Jésus dit à la Samaritaine, celui qui est avec toi là, ce n'est pas ton mari. À plus forte raison, toi, la fille de Dieu, toi le fils de Dieu, si tu vas à Jésus, Jésus va te guider. Si tu vas à Jésus, parce que le grand problème dans l'église, c'est quoi? Nous faisons nos choix à nous et nous allons à l'église en disant, papa, papa, oh, j'ai fait mon choix, viens nous bénir. Parce que c'est ce que nous faisons. Papa, j'ai fait le choix, viens nous bénir. Ça ne doit pas marcher comme ça. Nous devons l'inviter au moment du choix. Afin qu'il puisse te dire, comme il a dit à la Samaritaine, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Comme ça, ça t'éviterait d'aller signer à la mairie pour rien. Parce que beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes, au début là, tout le monde cache le vilain côté. Tout le monde le cache. Tu vas même te poser la question, toi la sœur, tu vas dire, mais il y a la femme de cet homme avait divorcé. Pourquoi? Et pourtant, c'est quelqu'un de bien. Moi, je n'ai rien à lui. Je ne vois pas de défaut. Pourquoi sa femme avait divorcé? Mais ma sœur, le jour qu'il va te mettre la bague ici, tu sauras pourquoi sa femme avait divorcé. Le jour qu'il va te mettre la bague ici, tu sauras pourquoi le frère est célibataire depuis longtemps. Tu sauras pourquoi les femmes ne sont jamais avec lui. Tu sauras ce jour-là. Parce qu'au début, c'est la séduction. Il cherche à t'avoir. Et quand il va mettre la bague à la mairie, il va dire, maintenant que tu es ma propriété privée, je peux faire comme je veux. Tu m'appartiens maintenant. C'est ça le grand problème dans l'église. Je vais vous raconter mon expérience à moi. En 2008, j'allais m'engager avec une sœur. 2008, une chrétienne, une femme de prière. Je priais, elle priait. Elle vivait dans la sanctification. Je suis dans la sanctification. On échangeait la parole de Dieu. On était déjà loin. On se faisait connaissance. se rencontrer, on va manger à l'hôtel, au revoir, chacun rentre chez lui. Donc on était déjà loin, je lui ai dit, bon, ma bien-aimée, si on doit signer à la mairie, je ne me vois pas aller dans ton pays pour aller faire ça là-bas, c'est tellement loin. Est-ce que tu as une connaissance, un membre de ta famille ici, en région parisienne? Il me dit, oui, bien-aimée, la grande sœur, la première du ventre de maman, elle est en France depuis plus de 30 ans. Elle vit ici depuis plus de 30 ans. Ah bon? Oui. Elle habite à Argenteuil. Donc, le jour où tu auras le temps, je vais, donne-moi d'abord le temps de lui parler de toi. Après, on ira la voir. Un jour, moi je quitte là où j'étais pour aller chez elle à Argenteuil. C'est cette grande sœur-là qui a ouvert la porte. Quand je rentre, elle m'a fait asseoir, monsieur, vous prenez quoi? Jus de fruits ou bien je vous fais le thé? J'ai dit jus de fruits. J'étais assis dans mon coin. Bien aimé, même pas 5 minutes. Excusez-moi, monsieur, vous travaillez? Oui. Où? À Air France. Vous êtes en CDD ou en CDI? Pour le moment, je suis en CDD. Ok, merci. Même pas 3 minutes, quelqu'un a cogné à la porte. Je vois 2 hommes rentrer. L'une des personnes connaissait cette dame, mais je ne suis pas sûr pour l'autre, parce que lorsqu'ils vont s'asseoir, elle va poser la même question. Je vous donne le jus de fruits ou bien le thé, ou le thé, le café. Après, elle va poser la question au deuxième homme. Monsieur, votre nom? Blaise. Vous habitez la région parisienne? Oui. Vous travaillez? Oui, je travaille. CDI ou CDD? CDI. Ok, merci. D'accord. En fait, le monsieur qui connaissait la dame avait dit à son pote, je connais une dame là. Sa sœur vient du pays. Je vais te la présenter. Donc, c'est pourquoi la grande sœur voulait savoir si monsieur Blaise aussi était en CDD ou CDI. Quand je rentre à Amiens, d'abord, je me posais la question, pourquoi elle pose des questions comme ça? Moi, je rentre. Et le soir, sa petite sœur qui avait à l'époque 34, 35 ans m'appelle. Oh bien-aimé, vraiment je suis désolé. Depuis que tu es parti, moi et ma grande sœur, vraiment on se prend la tête. Parce qu'elle m'a dit que, petite sœur, moi je suis en France, je connais la France, je suis là depuis plus de 30 ans. Dans le pays là, le CDI c'est la sécurité. CDD, c'est zéro. Le CDI, c'est la sécurité. C'est pourquoi je préfère que tu sois avec Blaise. Le problème, c'est que sa petite sœur n'aimait pas Blaise. Deuxièmement, Blaise fumait la cigarette. C'était un païen. Donc, il y a eu un bras de fer pas possible entre la grande sœur et la petite sœur. Le problème, c'est que la grande sœur, la petite sœur habitait chez la grande sœur. C'est la grande sœur qui achetait ses paires de chaussures, ses crèmes et tout. Donc, elle dépendait de sa grande sœur. Quand j'ai vu que c'est la guerre à la maison, moi, parce qu'elle me racontait tout le soir quand je revenais du boulot, je lui ai dit, s'il te plaît, je ne veux pas qu'il y ait le feu entre toi et ta grande sœur. C'est pas grave. Laissons, restons frères et sœurs. Ce qu'on voulait faire là, on arrête ça. Et après, je ne l'appelais même plus. Je ne l'appelais plus. 2 ans après, elle m'appelle. Elle me dit, oh bien-aimé, ça va? J'ai retrouvé ton numéro. Parce que je voulais t'inviter à mon mariage, mais je n'avais pas le numéro. Je dis, ah bon, ton mariage, tu as épousé Blaise? Elle me dit, ah non, bien-aimé. Non, un blanc m'avait dragué dans le métro. J'ai amené ce blanc, je l'ai présenté à ma grande sœur. Et le mariage a eu lieu. La grande sœur ne s'est pas opposée. La sœur est avec un blanc. Regardez, la sœur est en Christ. Comment un païen a influencé la bien-aimée pour que la bien-aimée n'épouse pas un chrétien. Je vais dire par là pourquoi. Si demain cette sœur, un blanc l'a draguée dans le métro, peut-être ça ira, je ne sais pas. Mais je vais dire que c'est comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu font des mariages comme ça. C'est-à-dire nous faisons des choix sans consulter le Seigneur. Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, l'homme-là n'est pas ton mari. Jésus est prêt à te dire si la femme que tu fréquentes là est vraiment la bonne femme pour toi. Jésus est prêt à te dire si l'homme qui te drague là, le bien-aimé de l'église là qui est derrière toi, si c'est vraiment l'homme de ta vie ou pas. Seul Jésus peut te le dire. Va à Jésus parce qu'il est la lumière. Il va t'éclairer, il va éclairer l'homme qui est en face de toi là et tu verras ses défauts. Va à Jésus, Jésus va et la vérité. Jésus te dira la vérité si c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie ou pas. Mais dans l'église, on ne l'invite pas dans notre choix. On choisit nous-mêmes. Et quand on a déjà choisi, on va à l'église, on dit, Dieu, viens nous bénir. On l'appelle que pour venir nous bénir, mais on ne l'a pas consulté pendant le choix, pendant le moment du choix, on ne le consulte pas. On veut seulement qu'il vienne bénir. Le problème, s'il vient bénir alors que lui sait que l'homme-là ne restera pas, c'est pas bien du tout aux yeux des païens, parce que nous sommes le sel de la terre. Après, on se retrouve avec des couples où le courant ne passe pas, des chrétiens qui se bagarrent, des couples chrétiens. C'est un échec. Dieu, Jésus a dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. L'homme que Dieu te donne ne sera jamais un fardeau lourd. La femme que Dieu a préparée pour toi ne sera jamais un lourd fardeau. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Léger, léger. Cet homme est un fardeau pour toi, mais un fardeau léger. C'est un joug, mais un joug doux. Mais quand tu entends, j'en ai marre, comme le frère m'a dit, si tu apprends que je suis en train de divorcer, parce que là, je ne peux plus supporter. C'est un joug, mais il est lourd. C'est pourquoi il ne peut plus supporter. C'est un fardeau, il est lourd. C'est pourquoi il ne peut plus supporter. Mais quand ça vient de Dieu, c'est un fardeau léger, on peut le supporter. C'est un joug, mais il est doux, on peut supporter le joug. On ne l'invite pas quand nous faisons nos fiançailles, quand nous faisons nos choix. On l'invite que pour venir nous bénir. Et on est étonné que ça ne marche pas. Je voudrais dire, mon frère, ma soeur, consulte l'Éternel. Aujourd'hui, tu n'es pas encore allé à la mairie. Mais je veux que tu saches que si Jésus a répondu, si Jésus a parlé de cette femme, mais pourquoi Jésus l'a dit à la Samaritaine? Parce que Jésus voulait lui faire comprendre que cinq hommes ont déjà joué avec toi, ils sont partis. Celui que tu as là, lui aussi est venu jouer. Lui aussi est venu jouer. Ce n'est pas ton vrai mari. C'est ce que Jésus voulait lui faire comprendre. Ma soeur, tu es une belle femme. Tu es chrétienne en plus. Le frère là, tu es sûr que c'est l'homme de ta vie, même si tu le vois à l'église. C'est Jésus qui peut te dire si déjà c'est un vrai enfant de Dieu ou pas. Bien-aimé, tu es attiré par la soeur là. Vous partez ensemble au restaurant. Tu es sûr que c'est la femme de ta vie. C'est Jésus qui peut te dire si c'est elle ou pas. Ou bien tu es en train de faire un mariage feu de paille. Un feu de paille. Ça ne durera pas longtemps. Jésus dit à la Samaritaine, cinq hommes ont déjà joué avec toi. Ils sont partis. Celui qui est avec toi en ce moment, lui aussi est venu jouer. Et c'est Dieu qui peut te dire si l'homme que tu as envie d'épouser là, c'est un mariage qui va durer ou pas. Le partenaire que Dieu te donne, seule la mort va vous séparer. C'est un joug, mais il est doux. C'est un fardeau, mais il est léger. Mais si toi-même tu fais ton choix, tu vas te retrouver avec un joug dur. Regarde ce que le bien-aimé dit. Frère, lorsqu'il m'a tenu comme ça, j'avais l'impression que c'est un mec qui me tient. La force qu'elle a dans les bras, la force. Voilà, c'est ce que tu cherchais. Tu voulais les formes. Tu cherchais les formes. Maintenant, tu t'es retrouvé avec une personne comme ça. Donc, bien-aimés, faisons très attention dans nos choix. On ne va pas inviter Dieu que pour venir nous bénir. Invitons-le avant même d'aller à la mairie. C'est lui qui pourra nous épargner d'un mauvais choix. Il pourra nous épargner d'un mariage de 2-3 ans et puis séparation. D'autres ne se séparent pas, mais c'est juste pour la forme. Hein? Quand monsieur et madame sont à la maison, il n'y a pas de communion, c'est la tension. Mais quand il y a des invités à la maison, on joue au couple attentionné, au couple amoureux. Mais une fois que les invités s'en vont, la guerre reprend. Il y a des gens comme ça, tout le monde ne divorce pas. Il y a des gens qui restent parce qu'ils ont des enfants. Mais ces personnes finiront toute leur vie. Elles ne connaîtront jamais le bonheur, l'amour, n'est-ce pas? Le bonheur d'un couple. Jamais. À cause des mauvais choix. Parce que c'était un bel homme. Parce qu'il a le pognon. Parce que c'est, la femme est belle, elle est intellectuelle. Ses parents sont riches, donc je vais l'épouser pour profiter de son argent. Il y a des calculs. Parce qu'il y a des chrétiens charnels dans les assemblées. Tout le monde n'est pas né de nouveau dans les assemblées. La Bible déclare, tout le monde dans le même champ. Il y a l'ivraie et le blé. Il y a des sorciers dans l'église. Même si tu l'appelles ma soeur, bonjour, ma soeur, mon frère, ça va. Toi, tu l'appelles mon frère, mais Dieu seul sait que ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. Ils sont dans les églises. Toi, tu vas l'épouser parce qu'il est cadre. Qu'est-ce qui te prouve que c'est un vrai enfant de Dieu? Mais si tu vas consulter Jésus, Jésus te dira si c'est un vrai enfant de Dieu ou pas. C'est pourquoi c'est dangereux lorsqu'on met Jésus de côté, on fait nous-mêmes des choix. Parce que tu vas aller signer à la mairie parce que cet homme, tu le vois à l'église. Peut-être c'est un sorcier. Peut-être il n'est pas né de nouveau parce que la femme que tu vois là, qu'est-ce qui te prouve qu'elle a Jésus dans son cœur? Peut-être qu'elle est là juste pour séduire les enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut toujours mettre le Seigneur dans ta relation, dans ta recherche, avant la mairie. Il ne faut pas l'appeler que lorsque tu seras à la mairie, tu peux déjà, à partir du moment où tu n'es pas encore engagé, inviter Jésus pour te guider. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.